Globalement, depuis plusieurs années, la sécurité routière gagne du terrain. Dans les années 70, le nombre de morts sur les routes avoisinait les 16 000, et au début des années 90, on en était encore à 10 000 morts par an. Depuis quelques années, on stagne aux alentours de 4 300 tués. Mais force est de constater que des progrès énormes ont été réalisés. 4 300 tués, cela fait environ 12 tués chaque jour sur les routes de France. Réponse C.